Comment comprendre qu'on nous explique depuis le matin que des militaires ont pris le pouvoir, ils seraient en négociation avec la junte française, comme on l'appelle désormais. Jusqu'à présent, on n'a pas de déclaration officielle. Est-ce que vous connaissez cette expression, président Bandakani, est-ce qu'on doit arrêter le poisson et continuer à le laver dans l'eau? Devant cette situation gravissime et extrêmement dynamique, nous devons éviter des formules lapidaires. La situation comme celle du Burkina Faso demande une analyse profonde des rapports de force dans l'armée. Et dans des situations comme ça, ceux qui sont en première ligne ont le devoir de rassembler au maximum les forces militaires pour éviter, pour anticiper sur les manœuvres justement de l'ennemi qui peuvent s'appuyer sur d'autres groupes pour commencer la déstabilisation. De manière fondamentale, il est clair que M. Damiba a été placé là pour détourner la révolution militaire qui avait commencé. Maintenant, c'est clair. L'épisode de l'arrestation de Zungrana est de plus en plus clarifié à la faveur de ces événements qu'on vit aujourd'hui. Pour ceux qui n'avaient pas compris ce qui s'est passé, il est que Damiba, n'est-ce pas, avait été placé là pour détourner la révolution par la France, et c'est ce qu'il a passé son temps à vouloir faire. C'est ce qu'il a passé son temps à vouloir faire. Pour qu'on comprenne ça très bien, il ne s'agit pas de dire que son affaire a une mutinerie. Notre ami Meunier est quelqu'un d'extrêmement brillant. Nous avons beaucoup de respect et d'estime pour M. Meunier, mais c'est quoi une mutinerie dans ce contexte-ci? Tous les coups d'État, les mutineries, comme il l'appelle, commencent toujours avec des prétextes liés à des primes, à des revendications, n'est-ce pas, corporatistes. C'est toujours des prétextes, mais il faut analyser le fond, n'est-ce pas, des revendications des militaires. Et dans le cas de l'espèce de Burkina Faso, on peut retrouver ce fond-là. On peut le retrouver. Et rappelons d'abord brièvement l'histoire militaire de ce pays, très rapidement. Depuis les indépendances de Burkina Faso, vous prenez son premier président, Maurice Yamego. Après lui, il a le pouvoir de 1960 à 1966. Il est renversé par le lieutenant-colonel Zangoulé Lamizana. Et là, voilà l'odyssée des militaires qui commence. 1966 jusqu'aux années 80. Donc, il prend le pouvoir. Il instaure, parlons comme ça, un régime militaire dur. Il supprime tous les partis politiques. Après ça, il est renversé par le colonel Sey Sebo. Sey Sebo, 1980-1983. Après, on a la parenthèse du commandant Jean-Baptiste Ouédraogo. Toujours des militaires. Toujours des militaires, Ouédraogo. Après Jean-Baptiste Ouédraogo, vous avez Thomas Sankara, qui arrive jusqu'à l'année 87. Après, vous avez Blaise Compaoré, militaire, qui change la tenue militaire et porte la veste. Maître. Breaking news. Le capitaine Ibrahim Traoré vient d'annoncer qu'il a pris le pouvoir au Burkina Faso. C'est ce qu'on disait. Très bien. Donc, nous disons que j'étais en train de parler de Blaise Compaoré. Donc, Blaise Compaoré prend le pouvoir, c'est un militaire, 1987-2014. Après lui, Kaboré. Et après, Kaboré prend le pouvoir et après, il y a une dé. Le pays commence à se dissoudre, n'est-ce pas, dans la vague terroriste. C'est-à-dire que le pays se dissout dans la vague terroriste. Une bonne partie du territoire, la plus grande partie du territoire, est sous l'emprise des terroristes. Alors là, il y a, à partir de ce moment-là, il va y avoir deux camps dans l'armée. Je dis ça pourquoi? Parce que quand vous voyez qu'il y a une succession de coups d'État militaire dans un pays, la conséquence, c'est quoi? C'est que chaque commandant, chaque militaire qui prend le pouvoir, essaie d'aligner l'armée sur sa conception. La ligne armée selon sa perspective du pouvoir. C'est-à-dire que c'est une armée qui allait de restructuration, entre guillemets, parlons comme ça, de repositionnement, de redistribution des cartes à l'intérieur, tout ça sous le parrainage de la France, évidemment, n'est-ce pas, qui allait comme ça, n'est-ce pas? Et ça fait que c'est une armée, en réalité, dont la cohésion et la cohérence est problématique. Et c'est une longue histoire. La parenthèse, peut-être comparée, qui a duré pratiquement 22 ans, peut-être a essayé de stabiliser l'armée, mais il n'a pas stabilisé. Il a simplement Il a simplement, comment dire ça, organisé l'armée en la hiérarchisant autour d'une structure très puissante, son compte, c'est-à-dire que sa garde présidentielle, qui était lourdement armée, qui a eu le temps, n'est-ce pas, de soumettre les autres factions de l'armée, qui sont devenues des factions dormantes, parce que, n'est-ce pas, M. Compaoré, ses alliances internationales, son allégeance à la France, et la politique française, a fait que il a réussi, n'est-ce pas, à imposer sa domination sur l'appareil militaire. C'est-à-dire que d'autres groupes qui étaient les héritiers de toute cette longue histoire de turbulence militaire, de redéfinition, de recomposition des rapports de force au sein de l'armée avaient été dissous. Non, ça, ils dormaient là. Alors, ça va se recomposer fondamentalement à la faveur, n'est-ce pas, du terrorisme, n'est-ce pas, qui met le pays à terre. Une bonne façon de l'armée dit à M. Kaboré que nous avons les preuves, c'est la France qui nous dérange. M. Kaboré, élu par la France, traité démocratiquement, s'en fout des revendications de l'armée. Il s'en fout. Il ramasse un Tintin là, un ami à lui, il lui confie les choses militaires. L'achat du matériel, il s'amuse avec l'armée. Et nous avons vu dans quelles conditions l'armée se retrouverait. Il y a une faction qui va estimer que c'est inacceptable pour notre pays. C'est inacceptable pour notre pays. Chaque fois qu'un pays se retrouve à terre, comme le Burkina est à terre là par le terrorisme, il y a toujours une faction de l'armée, n'est-ce pas, qui va se réconcilier avec le patriotisme militaire. Parce qu'il est inacceptable qu'un pays disparaisse comme ça. Donc cette faction-là va réussir donc à réconcilier tous les autres parties de l'armée, les factions historiques de l'armée, qui estiment qu'on ne peut pas accepter que notre pays soit comme ça. Et c'est cette façon-là organisée autour des figures importantes comme Zungrana. Et M. Damiba, c'est un peu entre guillemets, un peu embourgeoisé de la main, pro-français, c'est un Saint-Syrien, pro-français, nostalgique de leur comparé, qui les avait distribué des privilèges, n'est-ce pas, extraordinaires, et qui a fait des pactes avec la France pour que le Burkina soit le centre du terrorisme à l'Afrique. Tout le monde sait que Ouagadougou est la capitale du terrorisme en Afrique. Tout le monde le sait. Monsieur Compaoré distribuait le djihadisme partout en Afrique pourvu que le Burkina Faso soit tranquille, son pouvoir soit tranquille. Mais vous croyez que quand on fait comme ça là, vous croyez qu'une armée, l'armée là, ils sont très contents, ça plaît à tous les militaires dans un pays qui a eu le président Thomas Sankara, dans un pays qui a eu une telle histoire. Donc, c'est cette contradiction de l'armée, ces contradictions de l'armée burkinabé qui ont rejailli et qui ont abouti à la chute de monsieur Kaboré, n'est-ce pas, et que donc la France, n'est-ce pas, a voulu détourner cette révolution en plaçant à sa tête quelqu'un qui est apparemment prestigieux, n'est-ce pas, c'est un Syrien prestigieux sur le plan militaire, mais qui en réalité, en termes de consistance militaire, en termes de courage, en termes d'incarnation des valeurs militaires, n'en avait pas beaucoup. C'est Zungrana qui incarne ça. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, quand les militaires ont commencé à dire à leurs dirigeants que nous avons des photos, c'est la France qui nous dérange. On a dit ça. Et que, n'est-ce pas, et que la hiérarchie politique, n'est-ce pas, totalement corrompue, alignée par la France, totalement, comment on dit ça, totalement francophonisée, n'est-ce pas, qui trahissent le pays, ils n'ont pas pu s'occuper de l'armée. Cette situation-là s'est posée. Et l'armée a dit, une bonne partie de l'armée a dit, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est comme ça dans toutes les armées au monde. Beaucoup d'ailleurs, président Manakani, pour ajouter de l'eau à votre moulin, avaient exhorté le président Kaboré à se tourner vers la Fédération de Russie. Ben, vous conduisez. Allons maintenant jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso. Dès que le monsieur est assis, Damiba, nous le lui avons dit. Il y a les vidéos, moi je lui ai dit, avant de l'appeler voyou, je lui avais dit que si tu t'amuses et que tu joues avec le sort de ces pays-là, en allant faire des comédies avec les Français, Damiba, je prends ça sur moi, tu tomberas comme un rat. Je lui avais dit, la vidéo existe, c'était pas sur ce plateau, mais c'est l'autre plateau. J'avais pris ça sur moi, je lui ai dit que je prends ça sur moi, je te le dis en face, comme toujours. En fait, ce monsieur jouait double jeu. Il faisait semblant, n'est-ce pas, d'essayer de contenter les patrons de l'armée, mais en fait, il roulait pour Paris, au point même de jouer double jeu, quant à l'hébergement d'une partie de Barkhane, chassée du Mali, au Burkina Faso. Oui. Et les militaires ont passé à lui dire, les Ungarns et les autres, que il est clair, il faut signer un accord avec la Russie. Et d'ailleurs, comme M. Meunier regarde un peu, je sais qu'il n'est pas distrait, qui regarde un peu, les manifestants avec les drapeaux. Président, il y a Souleymane Hamzat qui est en train de nous présenter la déclaration officielle des militaires. Et l'équipe technique est en train de s'atteler à nous trouver la déclaration. On va la diffuser il y a quelques instants. On peut continuer, président. Ils vous ont entendu, Bertrand Tatsina. Non, nous sommes toujours comme ça ici. Nous sommes toujours comme ça, c'est après média. Donc, alors nous parlons. Regardez la manifestation aujourd'hui. On dit des centaines de... Non, ce sont des milliers de personnes qui sont dans la rue. Quelles sont les réclamations? Avec les drapeaux. Des drapeaux russes. Effectivement. Il n'y a aucun drapeau français, il n'y a aucun drapeau dans notre pays. Ce sont les drapeaux russes dans la rue. Ça veut dire beaucoup de choses. Et les gens disent, départ de Barkhane. Départ de Barkhane et des Français. Avant ça, les gens commençaient à revendiquer le départ de l'ambassadeur de France. Luc Allade. Et qu'a fait M. Zamiba? Il a joué au show, il a joué au chat et à la souris. Il a joué au traite, il s'amusait. Quand les gens demandaient que, mais, fais partie de ce voyou, il a dépassé les bornes de l'acceptable. On ne peut pas humilier un pays comme ça. Zamiba faisait comme ça, il a joué. Il jouait. Il a joué. Donc, regardez les revendications des manifestants. Les revendications sont claires. Signature d'un accord militaire avec la Russie, c'est clair. Effectivement. Et c'est ce que demande la frange patriotique de l'armée. Ayant senti donc ça, Zamiba va faire la diversion. Il croit qu'il est très malin. Oui. Il fait la politique aérie française, la pourriture française. Il joue, il fait un faux voyage. Il va au Mali. Après, il va chez le plus grand criminel du continent, le traître du continent africain, monsieur Ouattara. Après, il est allé où? En Guinée. Chez Bazoum. Au Niger. Il faut tenir la diversion, mais il est plus grave. Et il a fait le forcing pour rencontrer Sergueï Lavrov. La diversion, pour tromper, c'était la diversion, il n'y avait rien à faire. C'était la pure diversion qu'il faisait. Donc, vous voyez que même. Il a franchi les lignes rouges. Pendant ce temps, le nord du pays et l'est du pays, pratiquement coupé du pays. On est obligé de balancer les vivres. C'est-à-dire qu'on largue les vivres par avion. Les djihadistes coupent les ponts. Ils ont confisqué tout. C'est-à-dire que tout. Ils tuent des militaires, ils tuent les cibles, ils tuent les civils. Le monsieur s'amuse, il joue. Alors qu'il est militaire. Donc c'est ça qui explique la dynamique qui est en cours. Les choses sont claires. Les manifestations sont claires. Ces gens exigent qu'il faut rapidement faire comme au Mali. Il faut signer les accords avec la Russie. Faire une vraie guerre aux terroristes, c'est-à-dire à la France, qui est le parrain des terroristes au Burkina Faso. Alors, je vous parle. Mais on a découvert au Burkina Faso une nappe de pétrole jamais vue. Ouais. C'est grave. Et Paris veut ça. Paris a commencé à mettre le feu au Burkina, c'est pour ça. Ils veulent ça. Avec les manœuvres de carbone. En fait, c'est la haute trahison qui s'est passée. De la haute trahison, mon cher ami. On a découvert au Burkina Faso des richesses extraordinaires en termes de pétrole et tout et tout. Et chaque fois, mais c'est élémentaire. Est-ce qu'on va l'appeler ça ici depuis 10 ans, on le dit. Chaque fois qu'on découvre les richesses extraordinaires dans un pays, il faut créer les conditions du chaos. Il n'y a pas de mesure. On allume le feu, on crée les terroristes, n'est-ce pas? Et le pays vient se coucher. Quand il y a les pantons au pouvoir, c'est cela qu'il s'agit. L'armée de Burkina Faso a honte. Une véritable armée n'est pas à l'aise. Elle ne peut pas avoir de la dignité quand le pays est occupé par des voyous. Le pays est dans les mains des terroristes. Parlez de quoi? Il y aura toujours une partie de l'armée qui va dire c'est inacceptable. On veut se battre. On veut les armes. C'est ce qui s'est passé au Mali. L'histoire est un peu pareille. C'est ce qui s'est passé au Mali. Donc, moi, on n'a pas fait une mutinerie. On est affaire à une révolution militaire parce que c'est un pays qui a cette tradition-là. Quand on fait l'analyse d'un pays, il faut voir sa tradition. Il faut voir les us et les... Il faut voir l'histoire du pays. L'histoire du Burkina Faso, c'est une histoire de coup d'état militaire. C'est une histoire de succession des militaires au pouvoir. Après l'épisode de Moïse Yamego, il n'y a eu que des militaires au pouvoir. Les gens oublient que Sankara, c'était un militaire qui a pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'état. D'un coup d'état, effectivement. Donc on peut donc appeler Sankara un mutin. C'était un mutin. Non, c'est toujours une dynamique comme celle-là. C'est une dynamique comme celle-là, n'est-ce pas? Il y a une maturation des conditions militaires dans un pays. Il y a une maturation de prise de conscience de responsabilité de l'armée dans un pays. Ça dépend. Si dans un pays, l'armée est à la fois la mieux organisée, mais elle prendra le pouvoir. C'est évident. Si dans un pays, les civils, les forces vives n'ont pas de conscience politique, ne sont pas assez organisées, la force, le groupe social, la classe sociale la mieux organisée, va prendre le pouvoir. Et au Burkina Faso, je vous dis, c'est une histoire des militaires. Quand on parle d'un pays, il faut parler d'un pays fictif, il faut parler d'un pays réel et son histoire. Donc, aujourd'hui, au Burkina Faso, quand on regarde le pays... Sa longue tradition de coup d'État. Oui, sa longue histoire politique montre que c'est... Attendez, on va aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8 présidents. Vous avez au moins 6 militaires. Comment on attend? Ça veut dire quoi? Vous avez 6 militaires. Ça veut dire que c'est un pays qui est dominé par les militaires. C'est un pays qui est dominé par les militaires. Donc, s'il y a une chambre dans le pays, ça viendra toujours probablement des militaires, du moins la façon militaire la plus patriotique. Donc, il y a eu ces marées, les marées montantes dirigées par telle dynamique dans l'armée. Vous avez des dynamiques réactionnaires que des gens comme l'Angoulé, Samizal et autres ont incarné. Oui. Donc, vous avez la marée progressiste incarnée par Sankara. Après, vous avez vu une marée réactionnaire incarnée par ce monstre, le Compaoré. Vous comprenez? Après, maintenant, vous avez, après Compaoré, vous avez la parenthèse démocratique, entre guillemets, si on ose appeler ça démocratie. Il n'y a qu'en Afrique, on ose appeler des pareilles caricatures démocratiques. Donc, vous avez la parenthèse de monsieur Christian Roche-Caboré, qui disait qu'il était élu démocratiquement par Dieu lui-même, par le ciel et les anges, est capable de défendre son pays. Après lui, une autre vague, n'est-ce pas? Une autre marée est montée. Une marée, parlons comme ça, confuse, dialectique. Je laisse de côté la parenthèse de la transition après Compaoré. Vous vous souvenez? Après Compaoré, il y a eu une transition extrêmement chaotique avec les Isaac Zida, les Diendéré qui sont remontés. Gilbert Diendéré, effectivement. Et où il y a eu l'affrontement entre Diendéré et Zida. C'est l'affrontement. Et ça encore, c'était histoire que j'ai de vous rencontrer des groupes, des fractions de militaires dans lesquels vous avez des progressistes, vous avez des mi-progressistes, mi-conservateurs, vous avez des réactionnaires et des conservateurs. Et tout ça, c'est transversal, ça se croise, n'est-ce pas? Ça se croise, ça se décroise. C'est un puzzle extrêmement complexe qu'il faut savoir analyser. Donc, là où maintenant ça s'est clarifié, je viens de vous l'expliquer, c'est avec la montée du terrorisme qui a mis le pays pratiquement à terre. Et quand c'est comme ça, deux camps militaires vont se former toujours. Le camp de ceux qui profitent du terrorisme, qui sont à l'aise dans des réseaux, n'est-ce pas, qui organisent ça, qui délivrent des trafics des armes, qui sont des petits bourgeois de l'armée, n'est-ce pas. Et la troupe, les patriotes militaires qui disent que non, si nous sommes des militaires, notre statut de militaire n'a de sens que si on relève ce défi. On a vu ça au Mali. Et c'est ce qu'on est en train de se voir là. C'est ce groupe-là, n'est-ce pas, qui est en train de reprendre, n'est-ce pas, les choses en main. Alors nous parlons, on l'a dit, Petra l'a dit, d'autres l'ont dit. Moi, mes sources depuis le matin me disent que Damien Bassé est réfugié à Bakane. Est-ce un hasard? C'est Est-ce un hasard? les forces militaires qui sont en première ligne, patriotiques, que nous qualifions de patriotiques pour l'instant, ils disent que donnez-nous Damien Bassé. Les Français refusent de remettre Damien Bassé. Et c'est les Français qui ont commencé à négocier en réalité depuis le matin, comme ils font d'habitude. La parenté d'Ami Baye est tournée, ils savent que c'est perdu. Mais ils font pression, ils font le chantage pour infiltrer la nouvelle armée. C'est-à-dire, ils veulent l'infiltrer. C'est-à-dire qu'on fait le chantage, que ok, d'accord, on est prêt. Négocier avec nous, on veut négocier. En négociant avec eux, ils vont vous infiltrer. Ils vont vous infiltrer et ils vont paralyser la révolution. C'est pour ça que nous pensons que. Voilà pourquoi ça traînait comme ça un peu depuis la journée, parce qu'il fallait gérer tout ça, ouais. Il fallait, comme a dit mon ami Hamza, essayer d'élargir la base de la nouvelle équipe qui est en train de prendre le pouvoir, s'assurer que, n'est-ce pas, ils ont rassemblé le maximum pour que la réaction qui te prépare en Côte d'Ivoire n'est pas, comme on dit, des portes d'entrée au niveau le plus élevé pour essayer de retourner la situation à leur avantage. Nous pensons qu'avec ce qu'on est en train de voir là, les choses sont claires et que désormais, la page d'Amiba est tournée et que les revendications des peuples vont être satisfaites, à savoir une vraie diversification militaire, oui. Qui veut dire concrètement un accord vrai avec la Russie, un pays qui lutte réellement contre les terroristes, n'est-ce pas, se rapprocher clairement du régime malien, n'est-ce pas, libérer le pays, parce que pour libérer le pays, il faudra qu'il y ait des alliances entre le Burkina, le Mali, tous ces pays-là qui luttent, parce que c'est un fléau qui traverse tous les pays. Effectivement. Qui traverse le pays, donc sans alliance, n'est-ce pas, avec, de manière claire, avec les régimes qui sont en guerre contre les terroristes. Véritablement en guerre. C'est le cinéma qu'on est en train de faire. Je terminerai en disant ceci. Une fois de plus, les Africains ont compris, les Africains voient le rôle d'un pays comme on appelle la France. Parce que quand on parle, on dit qu'on est anti-français. Oui. Et le petit Tintin de l'Elysée, qui est devenu fou, c'est un peu ce qu'il dit, il a inventé une nouvelle théorie de l'impérialisme russe. Et il est le champion de l'anti-impérialisme. Il défend l'Afrique contre l'impérialisme russe. Alors, les agents français qui mangent dans cette sauce pourrie-là depuis des siècles et depuis l'indépendance du Cameroun ont intérêt à faire monter ça partout dans les... Comme Macron a déclaré une guerre une cyberguerre panafricaniste. Donc vous allez dans les réseaux sociaux, ces gars, ils racontent des histoires, ils racontent tout et n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Là encore, qu'est-ce qu'ils vont dire? Paris a beau faire sa main de cette terre, ça fait rire. C'est qui ça la manœuvre? La jeune française? La jeune française, c'est le mot. Oui, c'est qui a la manœuvre? La jeune française. Donc là encore, le monde entier vient de voir quel est le problème de l'Afrique aujourd'hui. Je suis en train de voir comment un pays, c'est-à-dire que, a décidé de vivre aux dépens d'un continent. Comment un pays prend un continent, le vent s'enrichit, et le vent, alors que ça ne lui appartient pas, le vent, n'est-ce pas, soutient le sort de ce continent à ses parrains, les Yousa, les Occidentaux, l'Union Européenne, puisqu'on a voulu européaniser, n'est-ce pas, comment dire ça, une armée européenne au Sahel, placée sous la direction de la France, pour coloniser le continent africain. Donc, vous voyez comment ça se voit là encore aujourd'hui, comment ils vont encore dire quoi? C'est nous qui avons demandé, c'est nous qui empêchons les Français de prendre... Tout à l'heure, quand je venais, j'en parlais avec personne. Est-ce nous qui empêchons la classe politique française de prendre conscience des enjeux et de se comporter à conscience? C'est nous. Quand vous écoutez les Yves, ils s'appellent qui là? C'est qui le ministre des Affaires étrangères? Madame Colonna. Des gens comme ça. Hein, ça me rappelle le nom d'un Corse. D'un Corse. Hein? Ivan Colonna. Oui, voilà, Ivan Colonna. Je ne sais pas si c'est la même famille. Mais vous écoutez, quand vous écoutez le discours de cette parlée dame, quand vous écoutez le comportement de M. Macron, quand vous regardez la classe politique française, ben c'est pas possible. Pas possible ça. On classe ça où? Ivan Colonna, qui a d'ailleurs été longuement combattu parce qu'il réclamait l'indépendance de la Corse. Bien sûr, Corse. Alors, donc quand vous écoutez des gens comme ça, quand vous écoutez des gens comme ça, quand vous écoutez le comportement de l'élite française, je l'ai dit, désolé. Elle ne peut pas débattre avec les Africains, c'est impossible. Elle ne peut pas. Vivement que les Français se débarrassent de la racaille qui les dirige et qu'émerge en France une élite politique et intellectuelle capable de parler avec les Français, capable de parler avec l'Afrique, pardon, c'est avec l'Afrique. C'est de cela qu'il s'agit. Et nous, on avait prévenu. C'est le début. Après le Burkina, on regarde très bien en Côte d'Ivoire. Il allait prendre la photo avec Joe Biden. Il allait s'agiter aux États-Unis. Vous dites que mon Ouattara, je suis crédible, j'ai mes alliances internationales. On verra comment ça va finir. Ce traître-là qui est derrière tout ça, tous ces machins-là, il est derrière, tout derrière tout ça, parce qu'il est la base de l'Occident, de la base française, américaine, de l'Union de l'Occident, pour justement recoloniser le Sahel, fomenter le terrorisme au Sahel, les guerres, et installer, n'est-ce pas, cet ordre-là qu'on voit venir. L'ordre militaro, n'est-ce pas, qui est constitué autour de la CEDEAO devenue CEDEAO OTAN. Mais cette affaire-là, comment on est en train d'annexer, n'est-ce pas, l'OTAN est en train d'annexer la CEDEAO pour faire, n'est-ce pas, comment on dit ça, le paravent de la colonisation militaire de l'Afrique de l'Ouest par l'OTAN. On voit comment c'est en train de se construire. On voit les qui demandent que l'OTAN, que la CEDEAO devienne CEDEAO OTAN. On a vu le petit Tintin là qui dit que le président de Guinée-Bissau là, qu'on ne peut pas appeler président, on ne sait pas où il sort. On le laissait taire parce qu'il allait à Paris, il a causé avec Macron. Il croit qu'il est devenu un grand président. Il peut aussi parler. Comme nos amis de Guinée-Conakry, on dit que mais. Donc on ne parle pas si tu nous parles. On va sortir rapidement, président. Donc voilà les gens comme ça qui vont vous dire qu'il faut une force anti-putsch au sein de la CEDEAO. Alors la force anti-putsch, mais il n'y a pas une force anti-terroriste. Vous voyez comment c'est grave? Oui. Mais attendez. Très bien. C'est-à-dire que. Le petit vendeur de drogue, il est traumatisé par la drogue dans son... on l'a secoué avec un coup d'État, n'est-ce pas? Il va à Paris, n'est-ce pas? Il raconte Macron, le rend un peu fou, le fait miroiter quelques avantages. Il sort de là, il croit qu'il est devenu un grand président. Et au lieu de se taire, aller réfléchir, aller lire, aller se former. Aller se former, non, c'est clair, c'est la révolution. Très bien, président, on va sortir rapidement pour écouter Ibrahim Traoré. Au lieu d'aller se former, il va dire que la CEDEAO aura une force anti-putsch. Pendant ce temps, il ne voit pas que le Burkina Faso est atteint par le terrorisme, le Mali est attaqué, le Niger, que ça brûle partout. Des gens comme ça, est-ce qu'on peut s'asseoir avec des gens comme ça? Afrique Média. Le monde, c'est nous.